franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur les polémiques qui ont suivi la mort de Mohamed Al-Doura, un jeune palestinien de 12 ans, tué par balle à Gaza le 30 septembre 2000. La scène est brutale, forcément. Au premier jour de la seconde intifada, l'automne 2000, un caméraman de France 2 filme, au péril de sa vie, la mort d'un jeune garçon en pleine rue lors d'une fusillade à Gaza. En quelques heures, la vidéo fait le tour du monde. Avec elle, le grand public découvre le vrai visage de cette guerre qui ravage le Proche-Orient depuis des décennies. Une guerre qui réduit à mesure que le temps passe tout espoir de paix entre Israël et Palestiniens. Dans le monde arabe, la nouvelle de la mort de Mohamed Al-Doura suscite une émotion considérable. La photo du cadavre du jeune garçon circule partout dans la presse. Et très vite, il devient l'icône d'une lutte idéologique. On édite des timbres à son effigie, on écrit des chansons et des poèmes à sa mémoire, on renomme des rues et des écoles en son nom. Si Mohamed est mort, les images tournées par France 2 sont plus vivantes que jamais. Et ce sont elles, justement, ces images, tournées par un caméraman de France 2 et commentées par le journaliste de la chaîne, Charles Anderlin, qui vont se trouver au centre de plusieurs polémiques. Pendant 13 ans, d'obscurs personnages en Israël, mais aussi en France, vont tenter de nier ce qui s'est passé sur le carrefour Netzachim, à Gaza, le 30 septembre 2000. Pendant 13 ans, ils vont propager les théories les plus folles sur l'affaire, allant même jusqu'à dire pour certains que Mohamed Al-Doura ne serait pas mort. Après le récit, pour revenir avec nous sur cette affaire, nous avons invité le journaliste Charles Anderlin, ancien chef du bureau de France Télévisions à Jérusalem pendant 34 ans, auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien. Il fut malgré lui au cœur de toute cette affaire, juste pour avoir fait son devoir de journaliste, transmettre la vérité. Son dernier livre, intitulé « Au nom du Temple, l'irrésistible ascension du messianisme juif » est paru en 2013 aux éditions du Seuil. Charles Anderlin sera avec nous en duplex de Jérusalem, chez le correspondant permanent de Radio France, Étienne Monin, que nous remercions pour son accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Samedi 30 septembre 2000, le Proche-Orient vit au rythme des affrontements. À Jérusalem-Est et en Cisjordanie, les heurts se multiplient. Ici et là, les altercations entre groupes de jeunes aux visages masqués, militaires surarmés se succèdent. Objets de pierre, bombes artisanales et rafales de Kalachnikov côté palestinien. Tsahal, l'armée israélienne, répond par des tirs de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc, voire de balles réelles. Partout, des cortèges d'ambulances filent toutes sirènes hurlantes pour prendre en charge leurs lourds blessés. Dans le ciel, au-dessus des territoires palestiniens, on entend sans cesse le bruit inquiétant des hélicoptères de combat. Sur les collines de Jérusalem-Est, plusieurs colonnes de fumée noire s'échappent du mont des Oliviers. Oui, là-bas, à quelques centaines de mètres seulement de la vieille ville, de son quartier touristique et de son patrimoine millénaire, se déroulent les scènes de guerre. Pour le moment, des informations restent très confuses sur l'état de la situation. D'un côté comme de l'autre, on compte déjà plusieurs morts et des centaines de blessés. Des victimes, en majorité palestiniennes, souvent très jeunes. Côté israélien, il y a des victimes aussi, principalement des soldats. Les autorités israéliennes craignent des actes de représailles isolés. On s'inquiète également de possibles attentats à la bombe. Et puis, dans les mémoires, ressurgit le spectre traumatique de la première intifada. Comprenez en arabe le soulèvement qui avait meurtri la région à la fin des années 80. Un épisode qui, rappelons-le, n'avait connu son terme qu'avec l'avancée historique des accords d'Oslo en 1993. Le Proche-Orient va-t-il de nouveau sombrer dans la guerre, la mort et le sang? Et d'ailleurs, pourquoi ce soudain regain de violence? Pour de nombreux observateurs et journalistes étrangers, la réponse est à chercher deux jours plus tôt. Vendredi 28 septembre, le leader du Likoud et principal chef de l'opposition politique en Israël, Ariel Sharon, se rend sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam dans la vieille ville de Jérusalem, mais qui est aussi lieu saint pour les juifs qui nomment le site le Mont du Temple. accompagné d'un impressionnant dispositif de sécurité, l'ancien général Sharon, celui que le monde arabe considère comme responsable des massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila au Liban en 82, marche autour de la mosquée Al-Aqsa. Pour les Palestiniens, sa présence est une provocation. Et très vite, ce qui devait arriver arrive, des centaines de jeunes se rassemblent et la situation dégénère. Plusieurs personnes lancent des pierres en direction du cortège israélien. Le service d'ordre et les soldats ripostent avec des gaz incapacitants. On évacue Ariel Sharon dans la précipitation. À la sortie de la vieille ville, face à la caméra de France 2, il déclare « Je suis venu avec un message de paix. Je crois que nous pouvons vivre avec les Palestiniens. Je suis venu voir ce qu'il se passe sur le lieu le plus sacré du judaïsme. Ce n'était pas une provocation. La provocation venait de l'autre côté. » Une version auquel, bien sûr, s'oppose l'un des représentants de l'autorité palestinienne, Faisal Al-Husseini. Pour lui, Ariel Sharon a délibérément joué avec le feu en venant sur l'esplanade des mosquées, et il le dit aux journalistes. Pendant deux jours, nous avons essayé de persuader le gouvernement israélien d'interdire la visite de M. Sharon. Malheureusement, il ne nous a pas écoutés et cela suscite de la tension à Jérusalem et ailleurs. Acte inconsidéré, action unilatérale et contraire à l'esprit du processus de paix, manœuvre stupide, les réactions sont nombreuses dans le monde. Et elles sont ouvertement très critiques contre la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade. Le lendemain, vendredi 29 septembre, alors qu'en Israël on se prépare à célébrer les fêtes de Rosh Hashanah, de nouveaux heurts éclatent dans la vieille ville de Jérusalem. Sur l'esplanade, après la prière, en réaction à des jets de pierre, les policiers israéliens ouvrent le feu et ils tuent plusieurs fidèles. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La Cisjordanie s'embrase, le Proche-Orient plonge dans le chaos. Samedi 30 septembre 2000, en début d'après-midi, l'atmosphère demeure toujours très tendue. À Jérusalem-Est, le correspondant de Radio France, Pierre Veil, témoigne des violentes altercations qui se déroulent sous ses yeux. Il raconte notamment avoir assisté à des échanges de coups de feu et avoir vu des personnes gravement blessées évacuées sur des civières. À une quinzaine de kilomètres de là, Ramallah, capitale de l'autorité palestinienne, le journaliste franco-israélien Charles Anderlin, chef du bureau de France 2 en Israël, est lui aussi témoin de plusieurs accrochages entre des jeunes palestiniens et des soldats israéliens. Par téléphone, il joint à Hébron l'un de ses caméramans. Celui-ci lui confirme que là-bas aussi, à proximité du tombeau des patriarches, la situation semble désormais hors de contrôle. Mais c'est dans la bande de Gaza que l'affrontement entre Palestiniens et Israéliens atteint son paroxysme. Sur place, sur la route principale qui relie le nord au sud de ce territoire situé à l'extrême sud-ouest d'Israël, à proximité de la colonie de Netzarim, des jeunes Palestiniens lancent des pierres sur les tourelles d'une position militaire de l'État hébreu. Plus tard, d'autres visent et tirent des rafales de Kalachnikov. Après plusieurs salves de sommation, les soldats israéliens mitraillent à balles réelles dans la direction de leurs assaillants. Plusieurs personnes sont sérieusement blessées. On les évacue à la hâte, dans les ambulances ou à l'arrière des camionnettes. Plusieurs journalistes d'agences de presse, dont Reuters et Associated Press, se rendent sur place. Parmi eux, on trouve aussi le caméraman palestinien Talal Abou Rama. L'homme travaille pour France Télévisions et pour Charles Anderlin depuis une quinzaine d'années. Il collabore aussi régulièrement pour la chaîne américaine CNN. Dans le milieu des correspondants, il a une solide réputation, c'est un grand professionnel. Mais ce qu'il s'apprête à filmer aujourd'hui dépasse de loin ce à quoi il s'attendait. Sur place, en effet, les échanges de coups de feu sont d'une extrême violence. Il y a déjà des personnes blessées et beaucoup de confusion. Alors, prudemment, Talal Abou Rama s'approche. Malgré le danger, il déplie le trépied de sa caméra et commence à filmer à côté des autres journalistes. Et les échanges de tirs se multiplient. Très vite, à Netzarim, la situation bascule. La suite, c'est le journaliste Charles Anderlin qui la racontera plus tard au micro de France Culture. Je reçois un coup de fil à un moment donné de mon caméraman à Gaza, Talal Abou Rama, et il me dit je filme la mort d'un gosse. Ah bon? Où tu es? Ben, je suis derrière une camionnette et devant moi il y a un père et son fils qui sont la cible de tir. D'abord je lui dis, est-ce que tu as mis ton gilet pare-balles? Il me dit non, je l'engueule. Il me dit, m'engueule pas, je suis sous le feu. Et on entend effectivement au téléphone, au portable, des tirs et on entend des sifflements de balles réelles. Il me dit, écoute, je lui dis, écoute, appelle-moi dès que tu sors. Et il m'appelle, ça y est, je suis sorti, mais j'ai perdu le trépied. Ah bon, et puis alors, tes images, bah écoute, je me dis, je crois qu'elles sont fortes. C'est le gosse, j'ai rien pu faire, je crois que le gosse est mort. En fin d'après-midi, vers 16h30, de retour à son bureau Jérusalem, Charles Anderlin fait le point par téléphone avec ses différentes équipes de tournage. Il reçoit et visionne les rushs des images tournées lors des affrontements de la journée. Arrivent ensuite les rushs de Tal al-Aburama, celles du carrefour Netzarim, à Gaza. Sur les premières minutes de la bande, on voit des scènes d'insurrection comme il en existe ailleurs, en Cisjordanie, jets de pierre contre gaz lacrymogène. Séquence tragique bien sûr, mais classique de l'intifada. Puis soudain, le cadre de la caméra vacille, on entend des coups de feu. Tal al change de plan et cherche l'origine des tirs. Il se retourne vers une petite position palestinienne qui se trouve là, au coin de la rue. Depuis leur fortification, les Israéliens, eux, ripostent. Le bruit des balles est caractéristique. Sur la suite de la bande, on voit des gens courir, crier, tenter de trouver un abri. Puis la caméra zoome en gros plan sur ce qui se passe en face, de l'autre côté de la rue. Et là, on distingue ce qui semble être un père et son fils pris au piège de cet échange de coups de feu. Ils sont accroupis derrière un tonneau en béton. Leurs visages sont terrifiés. La scène dure de longues minutes. Le père fait des gestes de la main pour qu'on arrête de leur tirer dessus. Puis soudain, une nouvelle rafale. Des impacts de balles apparaissent sur le mur, derrière eux. Sur les images, on voit le père s'effondrer, inconscient. Son fils, lui, gît au sol, face contre terre, le gilet taché de sang. La caméra de Tal al coupe, car il n'a plus de batterie. Quand il la rallume, l'enfant et le père ont déjà été évacués. Conscient de la gravité des images qu'il a en sa possession et de leur possible impact sur l'opinion, Charles Anderlin avertit immédiatement les services de presse de l'armée israélienne. Il lui propose de visionner la bande et d'enregistrer les réactions. Mais personne ne veut commenter ces images. Après une longue concertation avec la rédaction de France 2 à Paris, décision est prise de diffuser avec un message d'avertissement le reportage sur la situation en Cisjordanie, en y incluant la séquence de la fusillade de Carrefour Netzarim. Et à 20h, heure de Paris, ce samedi 30 septembre 2000, les Français découvrent dans le journal de France 2 les images de la mort d'un enfant en direct, celle de Mohamed Al-Doura. Dans les territoires palestiniens, la situation reste véritablement explosive malgré l'intervention d'un cessez-le-feu en fin d'après-midi. Après les affrontements à Jérusalem hier et avant-hier, l'embrasement a gagné toute la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le bilan témoigne de cette violence sans précédent. 15 morts et plus de 500 blessés du côté palestinien pour cette seule journée de samedi. Les images sont difficiles. Reportage de notre correspondant permanent, Charles Anderlin. 15h, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Des Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans, son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale, Mohamed est mort et son père gravement blessé. Au lendemain de cette journée sanglante, le chef d'état-major de l'armée israélienne annonce dimanche 1er octobre un cessez-le-feu. Les images de la fusillade du carrefour Netzarim et de la mort du jeune Mohamed Al-Doura continuent, elles, de faire le tour du monde. En l'espace d'une journée, grâce aux accords de diffusion, plusieurs dizaines de médias étrangers obtiennent et diffusent la séquence. Alors, l'écho est planétaire. D'abord réticente face à la violence des images, la chaîne américaine CNN choisit finalement de proposer la vidéo sur son réseau pour montrer le vrai visage des affrontements. Partout, les réactions sont nombreuses. Très vite, des captures d'écran sont relayées dans la presse. Face à la gravité de la situation, le chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne est le premier à prendre la parole publiquement sur cette affaire. Et vous allez l'entendre, il n'exclut pas une possible responsabilité de ses soldats. L'enfant et son père se trouvaient entre notre position et l'endroit où l'on tirait sur notre base. Il n'est pas impossible, et c'est une supposition, je ne sais pas, qu'un soldat, en raison de son angle de vue, et qu'on tire dans sa direction, remarque quelqu'un caché dans l'axe de tir, et qu'il ait lui-même tiré dans cette direction. Quelques jours plus tard, c'est un autre général de l'armée israélienne, Yoram Eiland, qui déclare face à la caméra de CNN « Autant que nous puissions savoir, l'enfant a été touché par nos tirs ». Puis c'est au tour du premier ministre israélien Ehud Barak de reconnaître, devant des députés arabes israéliens de la Knesset, la responsabilité de l'armée israélienne dans la mort de Mohamed Al-Doura. Et il le dit en ces termes « Les soldats qui étaient apparemment dans une situation critique ont tiré sur le garçon et l'ont tué sans intention de le faire ». Dans les jours qui suivent, sur les télévisions du monde arabe, le visage de Mohamed Al-Doura fait l'ouverture des journaux télévisés. Décontextualisés, surexploités, les images du reportage de France 2 deviennent vite un instrument politique au service, non plus de l'information, mais d'une idéologie, de victime collatérale d'une altercation armée telle qu'on le voit dans la scène filmée par Tal Abraham. Mohamed Al-Doura, 12 ans, et son père Jamal deviennent aux yeux de certains médias arabes le symbole d'un meurtre prémédité. La preuve, tant recherchée, que l'armée israélienne tue délibérément des civils palestiniens. De son côté, Jamal Al-Doura, hospitalisé dans un premier temps à l'hôpital Shifa de Gaza, est ensuite envoyé à l'hôpital militaire d'Amman, en Jordanie. Ses blessures sont graves. Durant la fusillade, il a été touché à l'abdomen, à la jambe et au bras. Face à la caméra de France 2, il raconte les circonstances du drame. Une première balle a touché mon fils au genou. Une autre est passée par le tonneau. A ricoché et l'a blessé au ventre. Je venais du marché des voitures d'occasion. Je jure que je n'ai pas touché une seule pierre. Quand les tirs ont commencé, on a essayé de se protéger derrière le tonneau. On est resté là 45 minutes. Les ambulances ne pouvaient pas passer. Interrogé lui aussi en sa qualité de témoin de la scène, le caméraman de France 2, Tal Abraham, raconte dans quelles conditions il a filmé la scène. Les balles pleuvaient autour de nous comme de la pluie. Je me suis dit que je devais me protéger. J'ai vu un véhicule abandonné. Je me suis couché à côté avec mon preneur de son. J'ai commencé alors à filmer quelques séquences. J'ai vu le caméraman de Reuters prendre la fuite, ainsi que l'enfant et son père. Je suis sûr que les tirs venaient du côté israélien, de la base, car ils étaient en face. Le gamin était là et la base israélienne en face. Après une demi-heure, le père blessé m'a regardé. Je ne pouvais rien faire. J'étais désolé. Je ne pouvais que le filmer. Tout à coup, il y a eu un boom. J'ai filmé. J'ai vu le garçon. J'ai alors compris qu'il était mort. Bien malgré elle, les images tournées lors de la fusillade des Carrefour d'El-Sarim à Gaza le samedi 30 septembre 2000 par Tal Abraham pour France 2 deviennent au fil des jours le véhicule d'une émotion internationale considérable. Elles deviennent aussi, au passage, le catalyseur et le symbole du conflit au Proche-Orient. Dans le camp palestinien, on les diffuse en boucle et on exhibe le visage du jeune Mohamed Al-Doura comme celui d'un martyr. Son père, Jamal, étant, lui, un héros, ce qui, dans leur esprit, revient au même. Côté israélien, au contraire, l'extrême médiatisation de l'affaire constitue un sérieux revers. Sur la scène internationale, la politique militaire de l'État hébreu se trouve discréditée. Tzahal, prestigieuse, cette armée à la pointe, et de la technologie, celle qui repoussait la coalition des pays arabes pendant la guerre des six jours, en 67, traîne désormais derrière elle l'image d'une tueuse d'enfants. Au même moment, si Jordanie, les affrontements continuent. Les négociations pour une trêve, elles, s'enlisent. La liste des morts et des blessés s'allonge. Celle qu'on surnomme déjà la seconde intifada plonge le Proche-Orient en plein chaos. Quant à l'affaire Al-Doura, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est loin d'être terminée, car bientôt, de nouveaux acteurs vont entrer en scène. Et les images tournées par France 2 vont s'inscrire au cœur d'une violente polémique. Thank you. هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة Inter. Bill Clinton arrive à Sharm el-Sheikh. L'avion du président américain devait atterrir à 8h, heure de Paris. Ensuite, dans l'ordre, le président Moubarak accueillera le premier ministre israélien, le président de l'autorité palestinienne, le roi Abdallah II de Jordanie. Le secrétaire général des Nations Unies est déjà sur place depuis 24 heures et Javier Solana, le représentant de l'Union européenne, est arrivé en Égypte hier soir. Un sommet à 7, donc, les deux belligérants israélo-palestiniens et 5 médiateurs qui chercheront à les convaincre, non pas de reprendre les négociations de paix au point où elles en étaient avant les troubles sanglants de ces deux dernières semaines. C'est un objectif inaccessible. Ils tenteront d'abord d'obtenir que l'Israélien et le Palestinien se rencontrent, ce qui n'est pas acquis, et qu'ils concluent une trêve. Dimanche 16 octobre 2000, dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh, sous l'égide du président américain Bill Clinton, Palestiniens et Israéliens tentent de trouver une sortie de crise. Voilà plus de deux semaines que la Cisjordanie vit un véritable soulèvement. Les échauffourées se multiplient. De son côté, le soutien au processus de paix est en chute libre, chaque camp accusant l'autre d'attiser le feu de la haine et d'envenimer chaque jour un peu plus la situation. Dans les villes palestiniennes d'Hébron, Jénine et la Pelouse, la violence est encore montée d'un cran. Sur le plan humain, les affrontements de ces dernières semaines laissent derrière eux un bilan terrible. Côté palestinien, on compte déjà une centaine de morts, auxquels s'ajoutent plus de 2000 blessés. De l'autre côté, dans les rangs de l'armée israélienne, 10 soldats ont perdu la vie et une cinquantaine d'autres sont hospitalisés. 4 civils également ont été tués. C'est dans ce contexte qu'un homme sort de l'ombre. Il est israélien. Il s'appelle Nahum Shaaf. Sa particularité, il n'est pas un représentant politique, il n'appartient pas non plus au service de renseignement, ni même à l'armée. Non, cet individu est un simple citoyen. Si en France, son nom ne nous évoque rien ou pas grand-chose, il est en revanche connu par certains en Israël. Car ce n'est pas la première fois que cet homme d'une quarantaine d'années fait parler de lui. Par le passé, il avait contesté l'authenticité d'un film amateur établissant la responsabilité d'Yigal Amir dans l'assassinat du premier ministre Yitzhak Rabin en 1995. Voilà pour le personnage. Toujours est-il que cet homme décide de prendre l'initiative dans le dossier Al-Doura. Persuadé que ce sont les Palestiniens qui ont tiré sur l'enfant et non les soldats israéliens, il contacte, de sa propre initiative, le commandant de la région militaire sud d'Israël, le général Yom Tov Samia. Quelques jours plus tard, Shaaf reçoit l'accord du général pour faire une reconstitution de la scène. Celle-ci ne se déroule pas à Gaza, mais sur un site militaire de l'armée israélienne dans le désert du Negev. Pourquoi ? Eh bien tout simplement, parce que le carrefour de Netzarim, là où ont lieu précisément les échanges de coups de feu filmés par France 2 et qui ont conduit à la mort du jeune Mohamed, n'existe plus, rayé de la carte. Quelques jours seulement après les faits, au tout début du mois d'octobre, l'armée israélienne a en effet rasé le site, démolissant ainsi toute possibilité d'une enquête sérieuse sur cette affaire. Officiellement, Tsahal invoque des raisons de sécurité. Le 23 octobre, sous l'œil d'une équipe de la télévision américaine de la chaîne CBS, l'armée israélienne reconstitue la scène de la fusillade de Netzarim. Les moyens engagés sur place sont importants, mais le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Dans le magazine 60 Minutes, produit par la chaîne américaine, les journalistes dressent d'ailleurs un bilan accablant pour l'armée israélienne. En voix off, le commentateur explique, et je le cite, « Tout sur place s'est déroulé dans la plus grande confusion. La reconstitution était très approximative, tant sur la disposition géographique des tireurs et des victimes, que sur l'organisation des lieux dans les minutes qui précèdent les coups de feu mortels. » En outre, les journalistes américains constatent que l'armée israélienne n'avait invité aucun expert balistique indépendant, seul pourtant capable d'effectuer une analyse crédible des échanges de coups de feu. Non, à la place, l'équipe de CBS enregistre la déclaration d'un autre personnage, Yosef Doriel, un ingénieur proche de Shaaf. Lui non plus ne croit pas aux images filmées par France 2. Au contraire, malgré l'absence de preuves, il est persuadé que la scène filmée était montée de toutes pièces, et il le dit aux journalistes. Il ne s'agit là que d'une mise en scène destinée à produire une image symbole pour salir la réputation d'Israël dans le monde. Des Palestiniens armés étaient les acteurs de cet incident, ainsi que le caméraman de la télévision française, qui avait reçu des instructions à cet effet, et le père Jamal Al-Doura, qui apparemment ne réalisait pas que cela allait se terminer par la mort de son fils. Dans les jours qui suivent, le journal israélien Haaretz tire un bilan sévère de cet épisode. Le titre de l'article est d'ailleurs sans nuance. Au sujet de la reconstitution, les journalistes écrivent que l'armée se tire une balle dans le pied. En réaction, l'état-major israélien tente de se dédouaner et explique que la démarche du général Samia est le fruit d'une initiative individuelle, en aucun cas une opération officielle de l'armée israélienne. Le 27 novembre, lors d'une conférence de presse, Samia tente de sauver la face. Devant les journalistes, il affirme qu'il est plus probable que Mohamed Al-Doura ait été tué par des Palestiniens que par des Israéliens. Le général explique ensuite que parmi les officiers israéliens présents le jour du drame à Netzarim, aucun ne se souvient avoir vu Jamal Al-Doura ou son fils dans les parages. Par ailleurs, le militaire israélien dresse un portrait compromettant de Jamal Al-Doura, un homme qu'il accuse d'avoir délibérément mis son fils en danger et qu'il accuse aussi d'être un trafiquant de drogue. En réalité, Jamal Al-Doura n'est rien de tout cela. C'est un honnête travailleur qui avait emmené son fils faire une course dans un magasin automobile au moment où le drame a éclaté, car ce jour-là, les écoles en Palestine étaient toutes fermées. Quant à ce prétendu dossier criminel, le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien auquel rien n'échappe d'ordinaire, eh bien ce service, lui, ne possède rien sur les prétendues activités de Jamal Al-Doura. À la fin de l'année 2000, la tension autour de l'affaire Al-Doura en Israël commence à retomber. De leur côté, Charles Anderlin et France 2 envoient un courrier au porte-parole de l'armée israélienne pour lui rappeler qu'ils sont disposés à participer à toute enquête officielle et indépendante sur l'affaire. Les mois, puis les années passent, mais ils ne seront jamais sollicités par les autorités israéliennes. L'affaire Al-Doura aurait donc pu en rester là. Mais 2 ans plus tard, elle va connaître un étonnant rebondissement, et cette fois, en France. Mercredi 12 octobre 2000, Paris. Sous les fenêtres de l'immeuble de France Télévisions, plusieurs dizaines de personnes manifestent à l'appel de la Ligue de Défense Juive, la LDJ, une organisation extrémiste interdite en Israël. L'objet de ce rassemblement, l'affaire de la mort de Mohamed Al-Doura. Quelques jours plus tard, la LDJ a en effet attribué le prix Goebbels de la désinformation à France 2 et à son journaliste Charles Anderlin pour leur traitement de la mort du jeune garçon à Gaza le 30 septembre 2000. Sur Internet, plusieurs sites diffusent des pétitions pour que la chaîne de télé du service public diffuse le documentaire « 3 balles et un enfant mort ». Réalisé par la journaliste Esther Shapira, ce film revient sur l'affaire en s'appuyant sur les thèses de Nahum Shaaf et Yosef Doriel, les 2 individus justement à l'origine des premières théories troubles sur le reportage de Charles Anderlin, à l'origine aussi du fiasco de la reconstitution dans le désert du Negev. Dans les milieux juifs parisiens, l'émotion est à son comble. Le documentaire d'Esther Shapira réveille avec lui une vive critique. de travail documentaire, il devient très vite une preuve irréfutable pour certains et un outil dans le combat que certaines associations juives extrémistes vont utiliser contre France 2, chaîne qu'ils accusent d'être pro-palestinienne dans sa démarche éditoriale. Plusieurs intellectuels, dont le philosophe Anna Finkielkraut, prennent d'ailleurs position contre Anderlin. Quelques mois plus tard, un livre sort sur l'affaire, toujours dans ce contexte très tendu. Il s'appelle « Contre-expertise d'une mise en scène ». Écrit par un psychanalyste, Gérard Hubert, il propose une nouvelle synthèse de ce qu'avance Charles Fedoriel et arrive à cette conclusion « Mohamed Al-Doura ne peut pas avoir été tué à Gaza le 30 septembre 2000 ». Pour l'un des deux rédacteurs en chef du Canard enchaîné, Claude Angéli, ses accusations contre France Télévisions sont graves et n'ont qu'un seul but, empêcher les journalistes de travailler librement. Je voudrais revenir sur un fait qui est grave, c'est que Charles Anderlin, correspondant de France 2 en Israël, a été attaqué de façon tout à fait ignoble. On lui a remis un prix Goebbels il y a 2 ans, on essaie de faire pression sur la chaîne pour qu'elle se sépare de Charles Anderlin, je le rappelle, est franco-israélien, a écrit des livres remarquables à ses entrées en Israël comme dans les territoires palestiniens. Et je trouve cela choquant que des groupes essaient d'influencer des journalistes. C'est ensuite la MENA, Metula News Agency, une modeste et autoproclamée agence de presse basée en Israël et dirigée par le français Stéphane Juffa, qui va s'employer de façon presque quasi obsessionnelle à critiquer France 2 et Charles Anderlin. Jour après jour, dans une succession d'articles hostiles parfois injurieux et outranciers, l'agence reprend tous les éléments, même les plus insignifiants, pourvu qu'ils alimentent la polémique. Mais comme à chaque fois, il n'y a aucune preuve, uniquement des hypothèses. Des théories bien souvent saugrenues, qui reprennent les bases, vous l'aurez sans doute deviné, de celles développées par les Israéliens Shaaf et Doriel. Autre personnage qui va faire pression dans cette affaire, Philippe Carcinti. Directeur de société et candidat malheureux dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, condamné à 1 an d'inéligibilité pour défaut de présentation de ses comptes de campagne, il devient l'un des promoteurs de la campagne de dénigrement contre Charles Anderlin en France. Au fil des mois, un boycott contre le journaliste de France 2 s'organise. On l'accuse même d'être à l'origine de la seconde intifada. Pour l'historien, spécialiste du Proche-Orient Dominique Vidal, en s'en prenant ainsi à Anderlin, on s'en prend évidemment à la liberté d'information. On est arrivé dans le terrorisme intellectuel, qui consiste non pas à convaincre les gens d'affirmations absurdes comme celle-là, mais qui consiste à faire peur à tous ceux qui ont pour habitude et pour métier de couvrir aussi sérieusement que possible, comme le fait Charles Anderlin, la réalité de ce conflit. On essaye de faire en sorte qu'ils ne la couvrent plus. On essaye de faire en sorte que ces gens se taisent. En Israël, cette polémique franco-française ne rencontre aucun écho. Aucune enquête n'a jamais été ouverte contre Charles Anderlin ou son caméraman Talal Abou Rameh. Aucune enquête non plus sur la mort de Mohamed Al-Doura pour déterminer si l'origine des tirs qui ont frappé le jeune garçon était israélien ou palestinien. De son côté, le journaliste Charles Anderlin et sa famille restent l'objet de pressions diverses. Et en France, la tension est toujours très vive. Elle pousse France 2 à porter plainte pour diffamation aux côtés de son journaliste contre le dénommé Philippe Carcinti. La bataille judiciaire dure près d'une décennie et se termine en 2013, année où la Cour de cassation rend son arrêt qui va donc valeur d'épilogue. Philippe Carcinti, le principal promoteur des thèses contre le reportage de France 2, est condamné pour diffamation, mais le malaise subsistera longtemps. Aujourd'hui, une seule chose est certaine. Mohamed Al-Doura, jeune palestinien de 12 ans, est bien mort par balle le 30 septembre 2000, victime d'une fusillade entre palestiniens et soldats israéliens au carrefour Netzarim à Gaza, victime surtout de cette guerre sans nom qui gangrène le Proche-Orient depuis bientôt 70 ans. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long now. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort des jeunes Palestiniens de 12 ans tués par balle à Gaza le 30 septembre 2000. Avec nous en duplex dans les studios de notre correspondant Étienne Monin à Jérusalem, notre invité, le journaliste Charles Anderlin. Bonjour Charles. M'entendez-vous à Jérusalem? Bonjour. Je vais vous... Oui, je vous entends. Ah, voilà, vous m'entendez bien maintenant. Ancien chef du bureau de France Télévisions à Jérusalem pendant 34 ans, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien, dont vous êtes un spécialiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis vous vous êtes retrouvé au cœur de toute cette affaire. Votre dernier livre s'appelle « Au nom du peuple, l'irrésistible ascension du messianisme juif ». Il est paru en 2013 aux éditions du Seuil. Je voudrais vous poser d'abord une question personnelle, parce que on peut se mettre à votre place, nous tous journalistes, on aurait pu se retrouver dans cette situation. J'imagine que vous l'avez mal vécu. Est-ce que les cicatrices sont... Est-ce que c'est cicatrisé maintenant? Comment vous le ressentez quelques années après? Ben écoutez, ça a été une période un peu longue, un peu difficile. Il y a eu une longue, très longue procédure judiciaire avec des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, cela ne m'a jamais empêché de travailler. J'ai gardé toutes mes sources en Israël, au sein de l'armée, chez les Palestiniens, dans la région. Depuis cette affaire du 30 septembre 2000, ben, j'ai publié 5 livres, 4 documentaires télé, il y en a d'autres en route. Cela ne m'a jamais empêché de travailler. Ça a été compliqué surtout pour la famille, il y a eu des menaces, il y a eu des pour les enfants qui étaient dans des lycées israéliens, il y a eu des périodes un peu difficiles, mais dans l'ensemble, ben, écoutez, on a surmonté ça. Il faut savoir que lorsque l'on couvre ce conflit, il faut s'attendre à ce genre d'attaque. Et comment l'a vécu votre collaborateur, caméraman Talal? Talal, ben écoutez, aucun problème, il a eu quelques grands prix internationaux, il a été invité un peu partout dans le monde arabe, il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit par les autorités israéliennes. À un moment donné, il a été interdit de sortie de Gaza, or il doit régulièrement se rendre dans un hôpital parisien pour un traitement spécial de sa colonne vertébrale. J'ai demandé à un des patrons du service de sécurité Pourquoi il ne sortait pas? On m'a dit à cause de l'affaire Al-Doura. Ben écoutez, si vous avez la moindre accusation, la moindre preuve quelconque qu'il a commis un crime ou un délit, vous me le dites. Mais si vous n'avez pas la moindre preuve, ben vous le laissez sortir de Gaza. Deux jours après, on m'appelle pour me dire « Talal Abu Rahmé est blanc comme neige ». Et depuis, régulièrement, il fait son voyage à Paris pour ses soins. Alors, quand vous avez découvert donc ces fameuses images rapportées par ce caméraman, on sait la décision que vous avez prise, mais quelle a été votre réflexion, quelle a été votre réaction avec en découvrant ces images qui étaient si fortes et si lourdes de sens et dont la diffusion allait forcément créer une grosse émotion? Écoutez, moi, au moment où Talal filmait, j'étais à Ramallah, j'assistais à un échange de tirs entre Palestiniens et l'armée israélienne, les premiers morts. Je venais d'interviewer en situation le chef du Fatah, Marwan Barghouti. Et puis donc, pour moi, au moment où je vois ces images, ça correspondait à ce que j'avais vu également en Cisjordanie. Simplement, cette fois, c'était tout à fait devant la caméra. Et je n'ai commencé à réaliser l'importance de ces images que un tard dans la soirée, parce que en les recevant, c'est passé par un réseau où les autres chaînes internationales étaient branchées, donc tout le monde les a vues, on me les a demandées, bon d'accord, je les ai données comme on le faisait d'habitude à l'époque, et puis c'est surtout très tard dans la nuit où un copain m'appelle de Los Angeles pour me dire « ton image fait la première page du Los Angeles Times ». Et là, je me suis dit, oh là là, il va y avoir quelque chose. Et j'ai donné des instructions à Talal Abu Rahmé pour que, dès le lendemain, à l'hôpital, il filme tout ce qui est possible, les médecins, les radios, et puis bien entendu, Jamal Adoura, le père blessé, avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital militaire d'Amman. Et cet événement tragique, on le rappelle, se déroule deux jours seulement après la visite d'Ariel Sharon sur ce qui est pour lui le mont du Temple et pour les Palestiniens l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Il ne fait aucun doute que cet événement tragique est la conséquence directe de ce qui était ressenti par les Palestiniens comme une provocation. Écoutez, je ne crois pas. La visite de Sharon, pour moi, et j'y étais, s'est passée sans grand accrochage. Ce n'était pas un événement fondamental. C'est le lendemain, vendredi, lors de la prière, la grande prière sur les mosquées, qu'il y a eu un accrochage israélo-palestinien. La police a ouvert le feu, il y a eu des morts, et chaque fois qu'il y a eu des morts palestiniens dans ce troisième lieu saint de l'islam, on a eu des émeutes, des affrontements dans la région, et c'est ça pour moi qui a déclenché l'intifada. Et si l'affaire Al-Doura disparaît progressivement de l'actualité en Israël à la fin, on peut dire, de l'année 2000, elle fait un spectaculaire retour dans l'actualité deux ans plus tard. Pourquoi ce retour? Vous sortiez un livre à un moment qui s'appelait Le rêve brisé, à la même période, il n'y a peut-être pas forcément un rapport, mais comment vous expliquez que ça revienne deux ans après? Ah bien écoutez, je crois que ça a été une décision d'un certain nombre de personnalités proches de la communauté juive, des membres de la communauté juive. Vous avez cité le nom d'Alain Finkielkraut. Mmh. Mon livre, Le rêve brisé, qui démontait les accusations israéliennes lancées à l'encontre des Palestiniens et de Yasser Arafat, qui était, je vous le rappelle, accusé d'avoir, en juillet 2000, refusé les propositions généreuses du Premier ministre israélien Ehud Barak pour déclencher ensuite l'intifada. Je battais en brèche cette version de la communication israélienne. Je pense avoir prouvé que c'était absolument inexact. Arafat avait certainement ses responsabilités dans l'échec et il aurait pu certainement agir différemment au début de l'intifada qui, par la suite, et ils l'ont dit, les responsables israéliens de la sécurité considéraient que c'était un mouvement spontané provenant justement de ce qui s'était passé le vendredi sur l'esplanade des mosquées sur Al-Aqsa. Et pour moi, il s'agissait de faire oublier cette explication de l'échec du processus d'Oslo. Voilà, maintenant, c'est l'antisémitisme, on accuse l'armée israélienne de tuer des enfants. Et que pensez-vous du documentaire alors de la chaîne allemande, diffusé par la chaîne allemande ARD, intitulé « Trois balles pour un enfant mort », réalisé par Esther Shapira, dont qu'on a cité hein, dans le récit. Elle affirme que vous n'avez pas voulu être interviewé. Que pensez tout cela? Allô? Oui, Charles Anderlin, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez là? Ah là, vous êtes revenu là. Ah oui. D'accord. Maintenant, oui. Ok. Alors la question que je vous posais était autour du documentaire intitulé « Trois balles pour un enfant mort », diffusé sur une chaîne allemande, réalisé par Esther Shapira, qu'on a cité, qu'on a évoqué dans le récit. Elle a affirmé que vous n'aviez pas voulu y être interviewé. Que pensait tout cela? Écoutez, on a eu des relations assez difficiles avec Madame Shapira. On a eu dès le début l'impression qu'il s'agissait d'un documentaire à charge. Et puis finalement, sur décision de la présidence de France Télévisions de l'époque, on a quand même accepté de se faire interviewer, Talal Abourahmé et moi. Avec les résultats que l'on connaît, je suis bien entendu en désaccord absolu sur la manière dont elle a réalisé son documentaire. Alors, l'une des grandes questions évidemment de cette affaire, qui a longtemps alimenté la polémique, c'est bien sûr la responsabilité du drame qui emporte le fardeau moral. On va sur ce point écouter ensemble l'historien spécialiste du Proche-Orient, Dominique Vidal, qui est revenu sur cette affaire en 2008 et on en discutera ensemble juste après. Tout le monde a vu ces images, elles se produisent donc au deuxième jour de l'intifada. Un jeune garçon est tué dans les bras de son père au milieu d'une fusillade entre des soldats israéliens au carrefour de Metzarim, au milieu de la bande de Gaza, et un certain nombre de dizaines, voire de centaines de combattants palestiniens armés. On a pu, et c'est ce qui s'est passé au début, discuter l'origine des tirs. Est-ce qu'effectivement, comme l'armée israélienne ne l'avait pas exclu elle-même, le soir même, est-ce qu'il s'est agi de tirs des soldats israéliens qui étaient dans l'espèce de bastion de Netzarim, qui aurait tué cet enfant, ou bien est-ce que cet enfant aurait été victime de balles perdues palestiniennes? On n'a pas réussi à savoir. Tant qu'il n'y aura pas d'autopsie de l'enfant, quand on ne retrouvera pas les balles, on ne pourra pas savoir si ces balles étaient d'origine israélienne ou palestinienne. Si le caméraman de Charles Anderlin, Talal Abourahmé, a filmé une mise en scène, ça suppose que les centaines de soldats israéliens et de combattants palestiniens qui étaient là ont participé à la mise en scène. Sinon, il n'y a pas de mise en scène possible. Essayons d'organiser ici une mise en scène au milieu de centaines de personnes tirant dans tous les sens. Ça n'existe pas. Si mise en scène il y a, tout le monde fait partie de la mise en scène. Et j'ajoute que les 10 ou 15 caméras étrangères, parce qu'il n'y avait pas que celle de Talal Abourahmé pour France 2, qui étaient présentes, ont aussi filmé tout cela. Bon voilà, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la théorie du complot. Quelle est votre réaction en entendant cette analyse de Dominique Vidal et Charles Anderlin? Bah écoutez, elle a tout à fait raison. On imagine des centaines de jeunes Palestiniens participant à une mise en scène devant une position israélienne où se trouvaient plusieurs dizaines de militaires, où il y a un drone israélien au-dessus dont on n'a jamais vu les images. Ensuite, un hôpital complet à Gaza qui participe à une mise en scène. Et ensuite, l'hôpital militaire d'Aman et le roi Abdallah de Jordanie qui, eux aussi, sont dans le complot. Non, enfin, c'est quelque chose qui est absolument fou. Et pourtant, certains l'ont cru, comme certaines choses folles. Le danger, c'est que certains peuvent le penser. Vous savez, oui, vous savez, si vous faites un sondage en Israël, et je suis persuadé dans la communauté juive, vous aurez une majorité de gens qui vous diront que Mohamed Adoura est vivant et vend des légumes sur le souk de Gaza. Alors, on l'a dit dans le récit, vous et France 2, vous vous êtes mis à disposition des autorités israéliennes pour participer à une enquête officielle et bien sûr indépendante, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, sur la fusillade et la mort du jeune Mohamed. Personne ne vous a jamais recontacté. Pourquoi? Enfin, pourquoi? On imagine la réponse, mais racontez-nous cet épisode. Eh bien, écoutez, à un moment donné, on espérait, avec France 2, qu'il y aurait une plainte en bonne et due forme devant un tribunal israélien contre France 2 et moi. Cette plainte n'est jamais arrivée. Je pense que les militaires israéliens savent très bien pourquoi. Il s'agissait visiblement de faire la guerre contre une image qui, vous l'avez entendu dans ce que vous avez décrit au début de l'émission, elle a été utilisée et réutilisée par des groupes extrémistes, par Al-Qaïda, ça a fait énormément de bruit. Maintenant, vous savez, l'armée israélienne aujourd'hui est quand même différente dans ce genre de situation. Le 14 mai 2014, deux jeunes Palestiniens ont été tués par balle près de Betounia, à l'entrée de Ramallah. L'armée israélienne a dit « on n'a pas tiré de balles réelles ». Les Palestiniens disaient « oui, ce sont des balles réelles ». Finalement, les autorités palestiniennes et israéliennes se sont mises d'accord pour faire une autopsie commune d'un des jeunes Palestiniens qui a été tué. Les balles ont été remises au département de la balistique de la police israélienne. Et effectivement, un soldat israélien avait menti. C'est lui qui avait tiré sur ces jeunes Palestiniens, je vous le rappelle, le 14 mai 2014, et il est en procès. Ce qui a été fait ce jour-là à Betounia a montré une certaine, je pense, la manière dont les choses auraient pu se passer s'il n'y avait pas eu une telle tension militaire entre Israéliens et Palestiniens. Bon, ça veut dire en même temps que l'armée israélienne, l'État hébreu, ont tiré quand même la leçon de cet épisode que nous avons raconté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, vous savez, la situation est quand même assez différente. Le début de l'intifada, oui, c'était un soulèvement armé. Les consignes de tir données aux soldats israéliens étaient très larges, très lâches. Et il n'y a pas eu une seule enquête un peu sérieuse sur la mort d'un civil ou même d'un étranger par des balles israéliennes pendant des années. Il a fallu que l'on assiste aujourd'hui quand même à une situation, ces derniers temps, beaucoup plus calme, au moins en tout cas en Cisjordanie, et un effort fait par l'état-major israélien pour tenter d'avoir moins d'incidents mortels. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le soldat qui a tué un jeune Palestinien à Hébron l'année dernière et qui a été filmé par une ONG israélienne, ce soldat aujourd'hui a été traduit en cour martiale et puis condamné à une peine de prison. Vous avez remarqué, on a tous remarqué, et vous j'imagine, que finalement, l'essentiel de la polémique autour des images et autour de cette histoire dramatique, elle s'est déroulée en France. Et d'ailleurs, c'était, vous l'avez entendu, la deuxième partie du récit. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, le fait que ça soit déroulé en France, cette polémique? Qu'est-ce qui fait que dans notre pays, alors c'est peut-être le cas chez nos voisins européens, je ne sais pas, mais dans notre pays, le sujet est absolument passionnel, chacun a son avis, ce qui est bien aussi dans une démocratie, hein, évidemment, mais chacun se croit autorisé à avoir un avis sans parfois connaître le dossier, sans parfois être jamais allé sur place. Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi passionnel chez nous en France ? Écoutez, vous avez deux communautés, je pense, qui sont quand même face à face. Dès qu'il y a des événements graves, une guerre, Gaza, une offensive israélienne sur Gaza, des bombardements, des victimes palestiniennes, vous avez des manifestations pro-palestiniennes, et puis de l'autre côté, la communauté juive se mobilise aussi. C'est un dossier extrêmement sensible en France, et je pense que les autorités françaises le savent et régulièrement prennent des précautions lorsqu'il y a des événements au Proche-Orient. En tout cas, c'est ce que l'on m'a raconté à Paris il n'y a pas très longtemps. Oui. Il nous reste que 45 secondes, Charles Anderlin, ce que je me permets de vous poser une question qui mérite un développement plus long, mais enfin, où en est-on aujourd'hui? Quels sont les espoirs de paix dans cette région qui court après depuis 70 ans? Écoutez, moi je crois que les chances d'un accord israélo-palestinien sont beaucoup plus proches de 0 que de 1, avec 400 000 colons israéliens en Cisjordanie, et le fait que ce gouvernement israélien de droite et d'extrême droite religieux n'a absolument pas l'intention de préparer le terrain à un État palestinien, je crois qu'il faut comprendre que si on va se tourner vers une autre formule qui risque d'être catastrophique pour la région, c'est-à-dire un État binational israélo-palestinien, et c'est cela qui va à nouveau probablement embraser la région et probablement les rues françaises. Il me reste à vous remercier, à vous saluer, Charles Anderlin. Vous étiez en direct de Jérusalem. Merci également à Étienne Monin qui vous a accueilli. Merci messieurs, au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la mort d'un enfant palestinien à Gaza. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction. Elle sera consacrée à l'actrice mythique Jean Seberg. Mythique, il l'est aussi, le Vincent Josse. Vous voulez dire que je suis vieux, c'est ça? C'est vraiment pas gentil. Oh, qu'est-ce que vous êtes paranoïaque. Oui, hein. C'est ça. Ouais. En général, les gens de micro le sont. Alors, tout va bien, Fabrice? Très bien. Mais on reçoit quelqu'un de vraiment mythique, une soprano qui a œuvré un an sur France Inter, de qui je parle, petite devinette. Oh, Nathalie. Ben oui, Nathalie Dessé. Bien sûr. Et parmi nous, dans la récréation. Oh, très bien, vous lui transmettrez le bonjour de ma part, parce que pendant un an, elle était juste après moi, tous absolument, les jours. Absolument, elle était cet voilà. Horaire-là, de 16h okay. À 17h sur Inter. Bon, je la salue pour vous. D'accord, on vous dit qu'on est en retard. Alors, au revoir. À très vite.